Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Jungle Bananae. Hein? On invente encore des mots ici à Geekorama. Ah, comment tu dis ça? Bananae. Une jungle qui a plusieurs bananes. Wow! C'est fantastique. Hey, non, mais bienvenue, Dom. Ouais. Salut. Salut. Bienvenue à l'épisode 20 de Geekorama. Geekorama, ce podcast sur la musique de jeu et sa culture en général. Dom, aujourd'hui, on a un épisode rempli de protéines. De bananes. Ouais. Ben, ça prenait comme vous voulez, des bananes. Là, ben oui. Hey, d'ailleurs, j'en ai acheté aujourd'hui des bananes pour l'occasion. C'est vrai, ça? Ben, pas pour l'occasion, là. Mais j'en ai acheté quand même aujourd'hui, tu sais. Puis, c'est commandité par les bananes. Mauvais. Ouais, c'est ça. Commandité par les bananes. Ah, c'est très bon, les bananes. Mangez-en, les enfants, ceux qui écoutent. Même si c'est pas vraiment d'enfants qui écoutent le show. Ben, peut-être qu'il y a des enfants. Mangez-en. Pas des enfants, mais des bananes. Fait que, il suffit, hein, ce dérapage, ma foi, très bizarre. Oui. 20e épisode de Geekorama aujourd'hui. Dom, c'est bizarre qu'on fasse notre 20e épisode de Geekorama comme à quelques chemins de notre 2 ans, alors qu'on fêtait nos 2 ans le 19. Ça aurait fait, en tout cas, personnellement, j'aurais aimé ça qu'on fasse le 2 ans sur le 20e. Tu sais, ça aurait fait un chiffron. Mais on aurait pu recommencer, tu sais, une nouvelle saison. Mais ça aurait pas donné sur l'Halloween, parce qu'on serait été tellement serré. Il aurait fallu faire comme 2 épisodes, un à la suite de l'autre. Ouais, c'est pour ça. T'sais, on voulait enregistrer lui de l'Halloween. Caramel le 31. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça donnait pas, c'est comme bon. Non, c'est ça, c'est pour ça. Ben, c'était qu'une remarque. J'aurais trouvé ça malade. Ouais, ça aurait été autre. Ça aurait été. Mais quoi qu'il en soit, écoutez, aujourd'hui, on a un très bel épisode pour vous. Oui. À vous faire écouter, ça parle, comme vous l'avez vu, comme d'habitude, dans l'écran titre. On parle du très. En fait, un classique de Super Nintendo. D'après moi, un des meilleurs jeux de Super Nintendo qu'il n'y a pas ever. Et Donkey Kong Country, pas Return, là, l'original. Le premier sur Super NES. Le premier, qui, je crois, est sorti en 92, je me trompe pas. En tout cas, le Golden Age du Super Nintendo, tant qu'à moi, l'un des meilleurs moments du SNES. Là, ce jeu-là a marqué des générations et générations. C'était vraiment quelque chose. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu qui a excessivement bien vieilli. Autant dans son gameplay, autant dans son visuel que dans sa musique. Puis sa musique est incroyable. David Wise. Ouais, donc c'est David Wise. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'introduire le dude? Ce gars-là, en fait, tant qu'à moi, a redéfini le genre de la musique de jeu vidéo. Sincèrement, t'écoutes n'importe quelle musique de jeu vidéo, je veux dire. Oui, il n'y en a pas une qui se ressemble tant que ça, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, mais... Cette personne-là, je crois, tant qu'à moi, a redécouvert le paysage, a redéfini à sa vision le paysage et qu'est-ce qu'une musique doit être. Il aurait pu très bien faire juste des bruits de singe puis des bruits de tambour. Puis ça aurait été correct, mais je veux dire, il a quand même pris le temps avec sa créativité légendaire et son génie musical, tant qu'à moi, pour le jeu vidéo, pour la musique de jeu vidéo. Il a réussi à dessiner une palette de couleurs musicales absolument incroyable. Puis il est encore là, il est encore actif aujourd'hui dans Tropical Freeze aussi. Oui, effectivement. Ben, on a hésité à faire Tropical Freeze, mais on s'est dit... Avant de faire Tropical Freeze, on va quand même aller à la source. Bon, on va introduire le premier parce qu'il a fait beaucoup de remakes dans Tropical Freeze, de ses grands classiques du Super Nintendo. C'est ça. Puis je veux pas, ben on voulait vous parler de ce classique-là aujourd'hui. On a eu également des demandes, entre autres Mathieu Lamande nous avait demandé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, justement Tropical Freeze. On a eu du DK en masse, on se l'est fait demander, puis avec raison, hein, on s'entend oui. Que je verrais pas pourquoi qu'on vous en ferait pas écouter. Et oui, c'est un classique, mais moi, ce jeu-là, comme je le disais à Dom avant d'enregistrer, ce jeu-là, moi, il crie de la nostalgie. Je veux dire, quand on parle de nostalgie, quand on parle de jeux de mon enfance, moi, écoute, je l'ai loué à le racheter 20 fois, ce jeu-là, je l'ai tellement loué. Puis je veux dire, je peux pas me souvenir de... Tu sais, quand t'es kid, puis il fait fret, c'est l'hiver, ton père te dit d'aller jouer dehors, puis ça te tente pas, puis là, ben, tu y vas pareil, parce que t'as pas le choix, parce qu'anyway, c'est lui de mettre de la place, t'sais. Fait que là, tu vas jouer dehors, puis là, t'en reviens d'une journée, mon homme, là, de... Écoute, ça n'a pas de sens. T'es gelé de A à Z, de la tête aux pieds. Ben, le petit bonbon de ta soirée quand t'arrives à chez vous ça. Le soir, c'est un chocolat chaud, une doudou, puis Donkey Kong. Tu te dis, gars, je vais aller dehors dans la journée, puis ça, je vais en profiter pour jouer à Donkey Kong à soir, toute la nuit. C'était ça, nous autres, dans le temps. J'essaie encore de revivre encore ces moments-là dans le rétro. C'est pour ça que je suis vraiment plus accroché dans le rétro. Je suis encore capable d'avoir du fun puis d'être émerveillé avec des jeux de rétro. Alors que dans le next-gen, sauf les jeux de Nintendo, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu cette magie-là. Elle est encore présente à quelques endroits, beaucoup moins. Je pense qu'on nous prend vraiment plus pour des numéros ou pour des consommateurs que d'autres choses. Mais c'est encore possible, je crois, en 2014, même en 2015... d'être émerveillé sur des jeux rétro. Ben, c'est ça. C'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est pour ça que c'est ça qui est le fun avec Nintendo. C'est quand un jeu sort, il est complet. Mm-hmm. Puis, tu sais, je prends l'exemple de Mario Kart 8. Oui, il y a des DLC, mais le jeu, quand il est sorti, il était complet. Fait que là, il double carrément la durée de vie avec les deux DLC. Puis c'est, oui. Tu sais, ben puis oui, les jeux qui sortent sur Next Gen, dans les. Sur Play 4, puis sur la One. Des fois, ils sont incomplets, tu sais. Puis, comme avec Assassin's Creed Unity, justement, qui est sorti, là, il y a eu toutes que des controverses là-dessus, là. Puis, tu sais, des jeux à l'E3 qui sont full beau graphiquement. Puis, quand il sort un an après, hein, c'est un nom. C'est ça. Ben, Ubisoft, on sort off dernièrement aussi. C'est pas mal tout de ces jeux-là. Tu sais, j'ai rien contre la compagnie. Puis, je sais qu'on a des auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent même à ces compagnies-là. Puis, je dis pas que c'est. Je veux pas parler en mal de ces gens-là. Je veux pas parler en mal de la compagnie. Mais. Le next-gen, malheureusement, on dirait qu'ils ont tendance à être trop rushés. On dirait que tout faut que ce soit... C'est pressant. Ouais, c'est ça. On dirait qu'attendre, c'est plus une notion. Tu sais, je veux dire, on est tellement rendu des consommateurs. On a faim, tu sais. On a tout le temps faim d'avoir plus de jeux, plus de ci, plus de ça. Alors que, tu sais... c'est une comparaison un peu bizarre, là. Mais moi, un de mes groupes métal préférés, c'est Symphony X. Symphony X sort un album aux 3-4 ans. On s'entend que si on se fierait, si ce serait comme régulier, s'il voudrait vraiment être régulier, il en sortirait chaque année, puis le monde irait à le show quand même. Le monde aimerait ça, mais tu sais, le band viendrait qu'à se fatiguer. Mais en sortant un ou trois, quatre ans, ben ça fait en sorte que les albums sont de qualité. Tu sais, il y a de la recherche qui a été faite. C'est pas juste un album fait sur le fly. Ils sont plus travaillés, c'est ça. Ben c'est la même affaire pour les jeux vidéo. Si ton jeu est plus travaillé, même si ça prend... quitte à ce que ça prenne 2 ans, c'est pas grave. Le jeu va être meilleur, la qualité va être meilleure, la musique va être meilleure, tout va être meilleur. Fait que je pense qu'on est rendu là. Je pense que les développeurs, puis tu sais, j'ai l'impression aussi que c'est très rough faire son argent, tu sais, avec la piraterie, le monde qui télécharge vraiment illégalement, des choses comme ça. Tu sais, ils sont rendus à peut-être qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, tu sais, peut-être que pour faire... Ça change, tu sais. Ouais. Assassin's Creed, pour moi, c'est je trouve ça dommage que ça soit rendu à ça, un jeu par année, tu sais. Ben, ils voient que Call of Duty, ils voient que c'est payant, tu sais, je veux dire, eux autres, dans leur tête, 2 plus 2, regarde, tu sais, ils sont capables d'avoir une franchise aussi rentable, puis, tu sais, pour eux autres, ben, c'est comme de la stabilité monétaire, tu sais, ils savent que tout le monde va l'acheter, ils savent que tout le monde va embarquer dedans, parce que l'univers est là, parce que le gameplay est similaire, puis le monde aime ça. Fait qu'en même temps, je les comprends, mais moi, en tant que consommateur, je trouve ça plate parce que c'est pas comme ça que je vois un jeu. Puis c'est pas ça que je veux, moi, payer pour quelque chose qui est pas fini, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'au bout du compte, c'est nous autres qui payent, puis c'est eux autres qui se font payer. Fait que... Ah, que voulez-vous? Fait que sur ces notes, on va y aller sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Dom, oui. Maintenant, comme tu le sais, on a un nouveau segment qui est les découvertes musicales. Ouais, alors, la semaine passée, je crois que c'est toi qui as commencé. Ouais, c'est toi qui ouais, c'est moi. Fait que... Alors, c'est moi qui commence non. pour... Ben, ça te dérange pas. Oui, on se comprend. Ça arrive. Ah non, fois. Vas-y, mon âme. OK, il n'y a pas de trouble. Hey, moi, cette semaine, écoute, j'ai le goût de vous partager un artiste que je trouve fantastique. C'est quelqu'un que j'ai découvert grâce à Dom, qu'on vous parle on tout en parle le temps régulièrement, dans l'épisode. Ouais. Sérieusement, si vous ne vous connaissez pas encore, c'est parce que... Je sais pas, j'ai vraiment un problème. Mais vraiment... C'est un artiste que j'admire beaucoup, puis je parle de Johnny Atma. La chanson que je vais vous faire écouter, elle s'appelle Dancing Mat. Cette chanson-là, il l'a fait en, je dirais, comme un spécial 75e épisode, parce que c'était c'est la 75e ouais, c'est ça. Chanson, ben, en fait, remake qu'il a fait sur son channel YouTube. Fait qu'il a fait comme un spécial, puis c'est une de ses préférées. Puis c'est drôle parce que sur Twitter, pas sur Twitter, sur Facebook dernièrement, ben, une des raisons pourquoi que j'ai choisi ce tune-là, c'est que j'ai décidé, j'étais sur mes photos Facebook, je ne sais plus trop où, puis j'ai vu un poster que j'avais, c'est genre des posters que j'avais pris sur 9gag, ça fait longtemps, là. Puis c'était comme un fan qui avait fait des posters sur les finales, je pense que c'était le 3, le 4, le 5, le 6. Puis j'ai décidé de mettre ça en background de Gikurama parce que je trouve ça beau. Fait que là, le monde, tout de suite, évidemment, ils ont allumé, ils ont fait, mon Dieu, c'est un in pour le prochain épisode, mon Dieu, finale 6, tu sais, j'ai comme... Donc, il a fallu que j'intervienne en disant non, désolé guys, mais ça s'en vient, on va en faire un. T'sais, puis je le dis encore, oui, ça s'en vient. On va en faire un de finale 6, ne vous inquiétez pas, mais pas de suite. Pour l'instant, on a d'autres jeux. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, vous ne le savez pas encore. On a des surprises pour vous. On prépare des trucs, mais c'est pour l'instant, on s'attaquera pas tout de suite à finale 6. Peut-être plus tard, hein, on ne sait pas. C'est mais sûr pour l'instant, non. Alors. Et en fait, c'est Monsieur Yannick Lampron, Poelman sur Twitter, qui est quand même assez justement populaire pour son amour de finale et tout ce qui est japonnerie. Puis je le comprends pas. Japonnerie. Japonnerie à nager. Non, vraiment pas. Je suis mort, en tout cas. Fait que c'est ça. Là, en gros, Monsieur Lampron, là, il disait « Ah ouais, ben là, vous allez mettre Dancing Mad. Ah, merci, tu vas faire du fan service. » Puis j'ai comme fait « Ok, ouais. » Tu sais, vu qu'on a un nouveau segment... Puis cette tune-là, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. J'ai fait, ben Chris, je vais en mettre. Kachin! Fait que, puis je te la dédie. En plus, j'ai dit que je te la dédicassais sur les réseaux sociaux et c'est ce que je fais, mon ami. Fait que, ben, sans plus tarder, ladies and gentlemen, boys and girls, en présentation de Game Metal, je vous présente Johnny Atma et son interprétation de la chanson, en fait, la chanson thème du boss final de Final 6. Voici Dancing Mad. Voilà. Non, mais. C'était spectaculaire, c'est... ça. Moi, là, je veux dire, quand. Il chante en plus. En plus, ouais, ben c'est ça. Ben, en plus de faire. Excuse-moi de te couper. En plus de faire tous les astifis d'instruments, il chante bien. Ça me surprit parce que ça fait pas longtemps qu'il commence à chanter de même. Depuis son remix de Sonic, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Il avait chanté City Escape, je me rappelle bien. J'ai fait calique. En plus, il chante bien. Ben, c'est sûr qu'il doit savoir d'être un peu modelé. Ouais, d'après moi, il l'a tweaké un peu. Mais ouais, quand ça, même, tu sais, il y a quelque chose. Je pense que ce gars-là, il a quand même un background assez avancé parce qu'il était dans un band d'avant. Ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans genre, qu'il joue de la musique. Je peux pas dire dans quoi qu'il était. Là. Ouais, ça paraît qu'il a déjà été qu'un band. Mais Fait que Dom, toi, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme chanson? Rien. Ok. Au revoir. Fait que bloc 1. Non, sans faire. C'est quoi de bon vraiment que tu nous présentes? Ouais, c'est cool. C'est un petit jeu. En fait, c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Pivot. Oui. P-I-V-V-O-T, qui est sur, entre autres, iOS. iOS et Android. Je crois que c'était sur iOS. Je crois que là où on se parle en ce moment, il est sur les deux plateformes. Donc, vous pouvez aller voir autant sur iOS que sur Android. Je me trompe pas. Ouais, fait que dans le fond, c'est un jeu qui coûte 3$. Et dans le fond, c'était comme. C'est comme un peu comme une course à obstacles. T'as comme une espèce de petite boule qui est sur une ligne blanche. Qui est comme. C'est une ligne continue. Ouais, c'est ça, une ligne continue, mais c'est comme. La boule est comme projetée un peu de la ligne. Puis il faut comme qu'avec ton doigt, t'évites les obstacles. En tout cas, c'est assez dur à expliquer. Pendant que toi, t'avances finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, c'est mais ça, ça a l'air assez tough, mais ça me fait penser un peu. À Super Hexagon qu'il y avait sur Steam. Ça, c'est un jeu genre, parce que t'as une espèce de triangle, là, pis t'as des affaires qui se renferment sur toi, pis faut que tu vires ta souris. Ouais, pour l'éviter. Ouais, c'est ça, t'as des affaires qui se renferment sur toi. C'est tellement tough. Ça y ressemble. Mais, là, je vais vous faire écouter une tune qui s'appelle Voyage. Ça, c'est. En fait, le nom, ça fait là, c'est vraiment une tune paisible. Écoute, les cheveux dans le vent, dans l'auto, l'été, c'est fantastique. Oh, ouais, c'est relax. c'est vraiment relax, bon. Mais c'est vraiment bon, pis. Non, c'est cool. Ah ouais. Fait que c'est ça là. Maestro. T'as pu y a d'autres choses que je voulais dire. Ah oui, c'est vrai. Il est disponible d'ailleurs sur Bandcamp, je crois, pour 5$. Ah la soundtrack? Ouais, ah, ben, c'est bon. Je trouve que c'est un peu cher parce que genre 5 tunes. Ouais. Non, j'avoue. Fait que. 5$, il y a des groupes qui donnent à peu près une vingtaine de tunes. Ouais, c'est ça. Là-dessus, je trouve ça cher un peu, mais en tout cas, mais ça vaut la peine. Il y a vraiment du bon stock. Ouais. Fait que. There we go. Yes. C'est très bon. C'est vraiment très bon. C'est paisible, ça, il n'y a pas hein? à dire. Il n'y a pas à dire. Alors, sur ces belles paroles, ben, dites-nous sur les réseaux sociaux lequel vous avez préféré. Puis voilà, on va vous en reparler aussi. On va toujours partager ce qu'on vous a fait écouter là sur les réseaux sociaux. Même sur Twitter, j'ai fait le post aussi la semaine passée ou la deux semaines. En tout cas. Parce que je trouve ça important d'en encourager ça. D'ailleurs, je voudrais faire un shout-out à mon ami Samuel Laroche qui m'a écrit en privé sur Facebook. Suite à l'épisode, il a dit qu'il a tombé en amour complètement avec The One Up. J'étais comme, ça c'est très nice, c'est pratiquement tout acheté les albums. D'ailleurs, on est supposé de faire un genre d'échange, puis je l'ai pas encore fait parce que je manque de temps. Même ça, je manque de temps, imagine. Fait que c'est ça, donc ben, je suis bien content. Fait que n'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez aimé avec nous, avec Dom. C'est fun, ça. Ouais, on fait découvrir le stock, puis regarde, tu vois, ça porte fruit, c'est plaisant. Ben, moi, c'est ça, je m'attendais pas à ça, puis je veux dire, c'est vraiment une belle surprise. Puis pour moi, ce segment-là, dans ma tête, je me suis dit, bon, le monde va embarquer ou ils embarqueront pas, tu sais. Vu qu'on est un podcast de jeux vidéo, ça fait du sens. Vous avez embarqué, c'est génial. Et comme d'habitude, Monsieur Laroche, d'ailleurs, m'a fait partager quelque chose que j'ai même pas eu le temps d'écouter non plus. Mais je te jure que je vais l'écouter, mon chum, puis je vais en reparler dans le prochain épisode. Je m'en fais un serment. Donc, je vais aller checker ça. Puis, si j'aime ça, ce qu'ils m'ont partagé, je pense que ça l'a fait de Chiptune aussi. Ça a l'air vraiment cool, mais il faut que j'aille le voir. Bref, ben merci encore. Et voilà, soyez fous. Dites-nous ce que vous en pensez sur Facebook et Twitter. Sur ça, donc. Oui, monsieur. Je pense bien qu'on est. Là, on est mûr pour tomber. On est mûr comme quoi, Don? Aye. Une banane. Fait qu'on serait mieux pour le premier bloc. Ouais. Fait que là, ben, comme Presonus, c'est de la merde, pis qu'on peut pas cliquer sur autre chose que ce style programme-là sur mon ordi, c'est Dom qui va tout lire les tunes. Ben, je le ferais bien, mais Presonus, c'est vraiment de la style tombe sale. Hey, Dom! Bon, ça va? T'es-tu prêt à lire les tunes pour notre public? Oui, monsieur. Yes! Fait que, ouais, hein? Comme première tune, on a. En fait, je vais tout les dire à la suite. On a Simeon Sieg. Oui. Jungle Stage. Et oui. Cave Dweller Concert. Oui. Ah, ben ça, en fait, c'est vraiment. On s'entend le début du jeu, là. Tu décolles. Exact. Il y a tellement. Ce jeu-là, là, je veux dire, c'est tellement génial. T'sais, en partant au début, faut que tu sais qu'il faut que tu retournes au début pour aller chercher ta vie, évidemment. Ouais, dans la petite maison. La petite maison. Après ça, quand tu t'en vas en bas, ben là, c'est des cas qui fait comme « Oh non, ils ont tout volé mes bananes! » Parce que, en fait, l'histoire, là, c'est con. Tu sais, je niaise ces bananes depuis tantôt. Mais c'est ça. Des cas, il s'est fait voler ses putains de bananes. Ben, puis il va aller péter la gueule à King Carol. Principalement. Vole pas les bananes à Deka parce non, que tu en manges. Non, tu vas te faire whooper ton putain de ass, mais quelque chose de concret. Fait que c'est ça. Puis moi, ce segment-là, je veux dire, juste. T'as parlé de Simeon Sieg. Ouais. Ça, petit easter egg pour les fans des fans joueurs qui écoutent mon podcast. Ça va probablement vous rappeler des souvenirs quand on avait des segments entre nos podcasts. Fait que ça, c'est la toune qu'on utilisait. Puis le pire des pires, OK, c'est que cette toune-là, il y a une petite histoire par rapport à ça. Le pourquoi que c'est devenu cette toune-là, c'est qu'à l'époque, je faisais des chroniques qui s'appelaient le Gamer Nostalgique, qui parlait justement de jeux rétro, tout ça. Puis j'avais fait une grosse rétrospective, je crois, sur Rare. Tu en avais-tu déjà parlé, il me semble? Dans Fun Jouer Jeu, dans les débuts de Fun Jouer Jeu. Ça fait peut-être 2 ans de ça. Mais je parle de cet easter egg-là en général. Ah non, je l'ai-tu parlé? Il me semble que je oui. Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est pas ouais, vrai. En tout cas. À Geekorama, non, à Fun Jouer Jeu, oui, je pense. OK. Mais bref, ce segment-là est arrivé quand, justement, j'avais... Ben, peut-être que je me radote, mais on remarque bien. Alors, en l'âge qu'on est rendu, on oublie. Hein. 26 ans, c'est tellement difficile. Pas vraiment. Mais là, c'est ça. Fait que j'avais envoyé une soundtrack. J'avais envoyé la soundtrack du premier DK à Joël Martel. Puis on avait besoin d'une toune de segments. Tu sais, on faisait dans le fond, on avait des chroniques. Fait que on faisait, mettons, une critique de jeu. Puis après ça, il fallait mettre une toune. Puis dans les premiers épisodes, on prenait vraiment des tounes de jeux vidéo random. Tu sais, mettons Kirby, The Phenomenon. Puis finalement, pour une raison que j'ignore, Joël a resté stické sur cette toune-là, sur Simeon Sieg. Simeon Sieg. C'est ça. Puis il a pris ce segment-là, puis ça l'a resté probablement, pourquoi, une saison et demie à peu près de Fun Jouer Jeu, environ. content que là, finalement, ben, on décide de rebooter un peu le podcast, puis que le tout soit ça. Mais voilà, c'était juste une... Probablement que vous saviez déjà l'histoire, là. Mais je voulais juste dire pourquoi que cette chanson-là, maintenant, pour les à les yeux de nos auditeurs de Fun Jouer Jeu, est maintenant célèbre. C'est beau, hein? C'est si j'ai pleuré deux fois pendant que je le racontais. Fait que c'est ça. On se fait un recap. T'avais bien quoi à dire? T'as peur? Wow! T'as quoi à dire? C'était quoi à dire? Ça. T'as quoi à dire? Ben, écoute, pas tant que ça, je te dirais. T'as quand même bien résumé les faits, là. Ouais, ben, Donkey Kong, c'est hot. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est le début, puis il y a encore d'autres blocs, là. Un recap? Yes. On a maudit iPod. Ok, on a Simeon Sieg, Jungle Stage et Cave Dweller Concert. Bonne écoute. Oui. Thank you. Hey, bloc 2. Bloc 2. Là, t'as mangé plein de bananes. Ah là, je suis bourré de bananes, Asti. Bourré. J'ai le cul plein. Ouais. Ouais, c'est un peu violent. Là. Mais ouais, ça résume quand même très bien la situation. Hey, fait que à part mon cellulaire qui est en train de vibrer, telle un chose qui vibre, là. Là, on a beaucoup de variétés. On a Bonus Room Blitz. Oh. Après ça, Aquatic Ambience. Mm-hmm. Puis Candy's Love Song. Fait intéressant. Ah, ça, c'est génial. Oui, vraiment. Bonus Bloom Blitz est vraiment très bonne, mais fait intéressant sur Aquatic Ambience. Cette tune-là, c'est une des préférées d'ailleurs à c'est David Weiss. C'est la tune fétiche à David Weiss. Ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est une tune, je crois que quand il l'a composée, il a utilisé un clavier spécial. Puis je sais qu'il a utilisé plusieurs samples de clavier. Puis c'est un mélange absolument. C'est un mix absolument fou. Je veux dire, d'avoir réussi à combiner tant de sons de keyboard, puis d'avoir fait ce qu'il a il fait. Il s'est vraiment surpassé avec ça. Vraiment. Non, mais vraiment. Ça fit avec l'eau, puis toute l'atmosphère, ouais. Là, c'est génial. C'est débile. C'est très, très, très, très, très, très cool. Après ça, on a quoi? On avait... Ouais, ben, écoute, moi, j'aime bien particulièrement la toune des bonus. C'est vrai qu'elle est cool, ça. Ouais, ouais. C'est très... Elle est tellement crinquante, là. Non, c'est joyeux au coton. Tu mets ça le matin en te réveillant, ça te dit pas de faire de quoi. Bon, je vais mettre tout le nom. Ouais, d'un coup, hein, je suis bien craqué. C'est vrai faire ça. Moi, le matin, je me mets le morning tune de Chrono Trigger quand c'est le matin. Là. Okay. Quand tu commences le thème. Jeu, chrono, chrono et sa mère. Ah, ouais, c'est vrai que c'est, ouais, ça fait matinal. Moi, je me lève demain, puis quand je m'en vais à mon char, là, c'est une autre tune aussi qui représente genre le matin. Ouais. Tout relax. C'est comme ma routine matinale, fait que ça ressemble à ça. Mais non, la toune de bonus, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, tu l'entends puis t'as le goût d'aller fêter. Là. Ouais, ça. C'est hot, là. Fait que sinon, c'est oui, oui. Ben, sinon, si tu veux un bec de candy, tu vas aller quand tu vas te sauvegarder. Quand tu vas te sauvegarder, candy, elle est là pour toi. Ouais. Ah non, ça, je l'aime bien, cette toune-là, parce que c'est fucké comment qu'elle sonne. Elle est un peu à part des autres. Puis, si je me trompe pas, c'est temps. Ouais, elle fait très casino, festival. Ouais, puis je veux dire, même quand tu vas la voir, tu vas juste saver, on s'entend. Il n'y a pas de jeu comme il y avait à Mané. Plus ça avance dans les jeux, dans le 2, dans le 3, tu as des jeux, puis tu as plein d'affaires. Mais tu as l'impression que c'est comme un carnaval mémoire. Ouais, c'est ça. Tu es comme dans son stand, là, puis elle t'envoie des becs flottants, puis tu peux sauter avant qu'elle te l'envoie pour saver. Fait que la manque sur un coup, c'est drôle. C'est très cool. T'sais, c'est plein de petits easter eggs quand même. Là. Ah non, c'est vraiment très cool. J'adore ça. Ouais, fait que... Voilà, moi c'est tout. Capri. Okay. On a Bonus Room Blitz. Après ça, Aquatic Ambience et Candy's Love Song. Embrasse-toi. Thank you. sur cette phrase qui faisait pas de sens quand la dernière fois, évidemment, que vous m'avez écouté. Là. C'était beau. J'ai pleuré 8 fois ce fois-là. Mais 8? Les musique passait. Faudrait aller chercher un CO2. Ouais, non, je sais. Là, mon tapis est mouillé. Tapis. C'est quoi qu'on a dans le bloc 3? Ce qu'on a, là. On a Bad Boss Boogie. Après ça, on a Minecart Madness et Life in... Life in the Mines. Et mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire pour les trois fois, ouais. Les trois tunes que moi, tu c'est surtout dire. La dernière. Le Minecart Boogie? Non, Life in the Mines. Life in the Mines. Life in the Mines, définitivement. Ça, on l'a fait dans un show, ça. On l'a fait en cover. Ouais, ça, pour notre Saint-Jean. Ouais, c'est génial. Moi, c'est ça. J'ai des souvenirs par rapport au jeu, mais quand j'écoute la tune, ça me fait penser à l'arrangement qu'on avait fait avec... avec Brass, ça, ouais, là, c'était écœurant, hein, comme tune. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez l'entendre, tu sais, étant donné que ça a un rapport avec le jeu vidéo. Peut-être un moment donné, une exclusivité qu'on pourrait vous On verra. Si je suis capable d'avoir le sample un moment donné, j'aimerais ça vous faire écouter notre version de cette tune-là. C'était assez rock and roll. Pas tant, là, mais c'était hot. C'était vraiment hot. Il y avait le tune des boss aussi. Oui, ben écoute, le premier boss de ce jeu-là, moi, il me fait mourir de rire. C'est un gros Chris de castor. Ouais. De rat. On a eu le même réflexe de l'imiter parce qu'on s'entend. Comme il y a Banjo. Si tu donnes le coup, tu fais... Oui, Banjo Kazooie. C'est hot. Aïe. Mais non, écoute, le premier boss, mais en fait, les boss en général sont vraiment iconiques. Il y en a, sont toutes mémorables. Oui. On a le castor, après ça, on a l'espèce de vautour. Ouais. Après ça. Mais sérieux, moi, à part ces deux-là, à part Carole, ça m'échappe un peu. Après ça. Mais il me semble qu'il y avait une épée, mais ça, je pense que c'est dans le deuxième. Non, c'est dans le deuxième. Les boss m'échappent, moi, pour être honnête. Là. Je sais qu'ils reviennent deux fois. Mais dire que t'es mémorable. Je sais que le castor, il y a puis l'autre. Ils reviennent deux fois. Ils sont juste plus longs. C'est ça, ouais. Mais veux pas, c'est ça. Ils reviennent une couple de fois. C'est peut-être pour ça que, tu sais, moi, je m'en souviens de ces deux-là, justement, vu qu'ils reviennent. Mais la toune, elle est écœurante. C'est vraiment... Ben, ça. À craindre au sujet, bout. Là, la toune était carrément. Oui, c'est ça. Après ça, c'est lequel? Je pense que c'est le minecart. Ouais, oh, ça, là, c'est ça. C'est quand... vraiment, ouais. Nice. C'est vraiment, c'est nice. C'est tough aussi, les maudits. Ouais, avoir su, maudite là, mine, c'est le fort. Si ça n'avait pas été de Monsieur Lampron, là, c'est de ta faute. Non, mais les Super Guitar Brothers ont fait un cover écœurant de cette toune-là. Tu sais, c'est deux dudes qui jouent à ils ont de la acoustique, guitare. Acoustique, je pense. Oui. Ils ont fait un cover de cette toune-là. Puis sérieusement, là, c'est vraiment bon. Il aurait fallu que je vous le... Peut-être de vous le faire jouer dans un autre épisode. Au pire, tu le posteras sur... Ouais, aussi. Mais poster sur la ouais, page ben Facebook. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ils ont vraiment fait un beau cover. C'était très bien représentatif là, de la toune en tant que telle. Fait que voilà, ah, nice. On fait un recap. Nice. Yes, un recap. On a Bad Boss Boogie. Après ça, Minecart Madness et Life in the Mines. Life in the Mines. Oui. bloc numéro 3. Voilà. Fait que là... C'est qu'on a... 4. Shit, ça va bien vite. Oui, je regarde, je fais... Oh, 4. Ouais, ok, c'est ok, 4, oui, effectivement, 4. On voulait voir, je sais pas, dit 3 mois. C'est ça aussi. Voir si vous suivez. Ouais, c'est ça. Vous suivez très bien. Alors, qu'avons-nous au quatrième bloc? On a Forest Frenzy. Après ça, Funky's Fugue. Oui. Et, ouais, et Ice Cave Chant. Forest Frenzy, là, honnêtement, c'est là que le jeu prouve, dans toute sa créativité artistique, qu'il y a vraiment des niveaux qui sont différents. T'sais, au début, on commence dans la jungle. Après ça, on est dans comme les mines. Après ça, c'est les usines, la forêt. C'est très varié. Tous les niveaux sont variés. C'est ça qui est le fun. Ouais. Vraiment, là. Puis même les ennemis sont jamais pareils. Il y en a qui vont revenir, mettons des crocos, enfin, même. Mais t'as jamais vraiment tout le temps le même ennemi, tu sais. Fait que non, kudos pour ça. C'est vraiment très très très nice. Moi j'aime particulièrement Funky's Fugue, la tune de Funky. Tellement. La tune de Funky. Ouais. C'est comme. Ouais, comme les surfeurs. Donc... J'aime ça. C'est hot. Oh, t'es bon de sample de même. Moi, c'est dans le dernier épisode. Pratiqué. Quand t'as dit fresh meat. Ouais. Fresh meat. Ouais, je l'aurais écouté, puis j'étais comme, c'est que c'est hot. Mais. Viande fraîche. Ah, la viande fraîche, toute fraîche. Non, mais honnêtement, il y a ça, il y a le bonus, puis là. Excuse, l'autre, c'est Ice Cave Chen. Moi, je trouve que DK est dans les seuls, ou du moins. Très rare dans les jeux de plateforme où ce que les tableaux de glace ne sucent pas des troncs. Et je m'explique. La plupart du temps, mettons, Mario World, là, on s'entend, va-t'en dans un monde de glace. Là. C'est comme... C'est chiant. T'arrives pour breaker, tu glisses. Dans des cas, oui, t'as certaines plateformes qui vont glisser, mais c'est vraiment juste les décors qui vont changer. Mettons... Tu vas avoir des espèces de chalets enneigés qu'il faut que tu passes par-dessus. Tu vas avoir des serpents, des places, puis des phénomènes, des crocos. Mais c'est pas chiant, c'est pas donnant comme parce que souvent dans les jeux, quand on arrive à un tableau de glace sous main de l'eau, on fait tout le temps « Ah non, pas de la glace, ouais. Pas de la Christie d'eau ». Bien souvent, on a tout le temps une pensée, un préjugé négatif envers ces tableaux-là. Justement parce que c'est de l'eau puis de la glace, puis c'est rare que ces jeux-là, ils torchent, tu sais. Mais en fait, que c'était niveau-là torche. Mais non, dans des cas, je trouve qu'ils ont trouvé le moyen de rendre ça trippant. Tu sais, je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est un roller coaster, là. Tu sais, c'est pas tant une partie de plaisir que ça. Mais c'est pas chiant. C'est faisable. Puis moi, personnellement, je trouve que les tableaux de glace, je les trouve originaux, je les trouve beaux. La musique, elle kick des solides culs. Autant la glace que l'eau. Fait que bravo, DK, pour être dans les seuls jeux. T'sais, à pas trop sucer quand vient le temps de. Mais malgré que Donkey Kong Country Returns et Tropical Freeze, je les ai pas essayé encore les niveaux de glace. Je sais pas s'il y en avait dans Returns. Je m'en rappelle pas dans Returns. Je l'ai fait, ça fait longtemps, je m'en rappelle pas, Colin. Puis Tropical Freeze, je l'ai, mais j'ai pas encore fait. Mais c'est drôle parce que dans DK Returns, dans Donkey Kong Country Returns, t'avais aucun niveau dans l'eau, puis t'as aucun niveau dans la glace. Puis dans DK Tropical Freeze, le peu que j'ai joué, t'as des niveaux dans l'eau, puis ça a glace. Tu sais, ça s'appelle Tropical Freeze. Ouais, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, là. Tu sais, le nom du jeu est assez révélateur. Il y a juste des volcans puis de la roche. Ouais, mais ça s'appelle Tropical Freeze. Ouais. Non, tu sais, les premières 5 minutes du jeu, tu vois carrément des vikings, pingouins puis tout ça, genre glacer l'île au grand complet. Fait que c'est clair que ça se passe à la glace. T'sais. Ouais. C'est génial. Génial. Fais-tu un recap? Un recap, ben oui. excusez. Ça goûte les légumes. On a Forest Frenzy. Après ça, Funky's Fugue et Ice Cave Chant. Bon écoute. Fait qu'après avoir mangé autant de bananes, qu'est-ce qu'on a envie de faire, Dom? Fait que là, ben, on a envie de, d'aller au bloc 5. T'as tout compris? Wow! On va aller au bloc 5 avec autant de bananes. Avec autant de bananes. On a, comme première tune, on a Fear Factory. Après ça, Gangplank Galleon et The Credits Concerto. Ah, oh, parce que j'aime ça dire Credits. Ah, mais écoute, on a vraiment... Ça, j'adore ce bloc-là. Moi, honnêtement, ce qui retient mon attention, c'est la Factory, je veux dire... Je pense que c'est une des tunes de déco que j'ai pu écouter, ça. Ouais, vraiment, vraiment. Elle est excellente. Et encore une fois, les gars de Super Brothers... Super Guitar Brothers ont fait un autre cover qui était carré, hein, cette tune-là. Moi, ce que j'aime de ce tableau-là... Comme je le disais tantôt, la diversité des tableaux est complètement hallucinante parce qu'on passe justement de la glace, on passe de la jungle, des temples. Tu sais, on le mentionne pas là-dedans, mais on est dans une espèce de temple maintenant. Avec les grosses roues. Tu vois, que c'est un petit castor qui roule dans le milieu, puis la chose est comme 4 fois gros comme lui. Là. Ah, ouais. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment cool. Puis moi, il y a une question. Non, c'est vrai, c'est pas dans lui que tu pouvais rider des animaux, c'est dans le deuxième, c'est vrai. Maintenant, dans le premier, t'avais le rhinocéros. Oui, c'est vrai. T'avais l'espadon. T'as la grenouille, l'autruche. T'as l'espèce de. Pas de requin, là, mais le. L'espadon. Ouais, c'est ça. La grenouille. Puis l'autruche. J'étais sûr que c'était pas dans lui. Non, dans le deuxième, tu peux te transformer. C'est ça la différence. Tu peux littéralement être un animal, tandis que dans le 1, tu pouvais. C'est vrai. Puis quand tu pognais 3, justement, tu sais, t'as des espèces de... C'est pas des figurines, non, mais des emblèmes en or, mettons 3 espadons, 3 autruches. Ah, t'avais le bonus. T'avais le bonus. Puis dans chaque bonus, dans chaque tableau de bonus, tu pouvais aller chercher... un gros espadon, une grosse autruche, puis ça te donnait des vies. OK, oui, c'était dans le premier aussi. Okay, c'est dans le premier. Okay. Dans le deuxième, je pense pas qu'ils l'avaient mis, ça, par exemple. Ils l'ont enlevé, puis ils ont justement remplacé ça par plus de niveaux bonus. T'sais, ils ont mis d'autres choses. Mais dans le premier, tu pouvais avoir ça. C'est vraiment cool. Ah, là, tu pouvais devenir un rhinocéros, puis tout ça, c'est très, très, très nice. Ça pour dire que, non, vraiment, moi, Fear Factory, je l'adore. Une très bonne chanson. Puis Gangplank Galleon, ça, c'est ma préférée. Oui, oh, vraiment. Ça fait très pirate, là. C'est oui, vraiment. Ça tourne du bas. Ça tourne de King K. Rool. C'est un bateau pirate. Tu finis le jeu, t'es sur le bord de finir le jeu, puis t'as ça. Fait que c'est génial. Là. Mm. Le bas, je le trouve tough, moi. Je sais pas si je suis le seul. Je sais pas si je le referais aujourd'hui. Là. Faudrait que je le refasse, mais il me semble qu'à l'époque, il était rushant. Ben, c'est parce que ce qui arrivait, c'est qu'il lançait sa couronne, après ça, tu le vargeais dessus. Là, il partait d'un bord, puis de l'autre, il shootait des canons. Fallait que t'évites ses canons étaient fatigants. Puis, oui, vraiment. Puis quand il tombait du haut, d'en haut, c'est là qu'il était vraiment fatigant. Parce que là, il y avait peut-être à peu près 2 pouces de... Même pas des fois, c'est 1 pouce de différence. Fait qu'il fallait que tu roules pour comme les éviter. Puis là, plus ça allait, puis plus ça allait vite. Puis quand il lançait sa couronne, ben là, ça allait vite. Puis ça le remettait sur la tête. Mais là, tu recommençais jusqu'au temps que tu y vaches dessus sur la tête. Il était jamais vraiment... facile les boss. Donc, dans le 2 et dans le 3, là, il était quelque chose surtout aussi. Les boss de la fin. Ouais. Les boss, ouais. En tant que, c'était tel quel, tout dépendamment. Ouais, surtout dans le 2, il était pas mal plus dur. Là. Mm. Les boss normales, mais je veux dire, le boss de la fin du premier, là, moi, j'ai pogné mon. Mais vers la fin, le jeu est vraiment plus difficile. Là. La courbe de difficulté est quand même assez lente, mais vers la fin. Là, non, oui, c'est tough. C'est quand même assez difficile. Ce qui fait que pour moi, c'est un jeu parfait dans tous les points, je veux dire. Tu sais, tu commences au début, c'est le fun, c'est trippant, mais là, plus ça va, plus tu commences à connaître justement la mécanique du jeu. Tu sais, t'as compris comment ça marche. Bon, oui, moi, t'inquiète, ça, c'est un jeu parfait pour moi. Il y a zéro défaut. Je ne vois pas de défaut à ce jeu-là. Ce qui ne serait des bouts justement qui sont chiants, qui sont plus durs, ça, c'est plate, mais c'est pas un défaut en tant que tel. C'est de ma faute. Je suce à ce jeu-là, puis c'est pas le jeu qui a un problème, qui a des bugs. C'est de ta faute. C'est ça. Tu sais, j'ai jamais vu, honnêtement, des glitches de Donkey Kong. T'as-tu déjà vu des vidéos sur YouTube? Peut-être, là. Peut-être qu'il y en a, mais tu sais, à moins qu'on s'amuse à les découvrir, tu sais, qu'on essaie les affaires. Je suis sûr qu'il y a du monde qui en ont découvert, mais je veux dire, c'est pas populaire comme, mettons, t'sais, le monde essaie de glitcher Super Mario 64 ou... Ah, mais lui, ils sont le fun, les glitches. Ocarina of Time, quand même, ça, c'est drôle. Mais je veux dire, des glitches de Donkey Kong Country, moi, j'en connais pas. J'en connais vraiment pas. Il y a plein de secrets, mais des glitches, pas en tout. No. Fait que voilà. Fait que, sinon, ben, moi, Elle, je la connais moins de Credits Concerto. Ça, c'est la toune de la fin. C'est la toune de la fin. Ça, c'est vraiment la toune de la fin. Moi, non plus, je l'ai pas entendu souvent, principalement parce que j'ai pas passé le jeu souvent. Je me suis souvent rendu au boss. C'est la seule que je me rappelle un peu moins. Mais sinon, la toune est excellente. Elle est quand même assez longue. C'est vraiment le crédit de fin et tout ça. Donc, voilà. Fait qu'on vous envoie ça là. Donc, pour le récap du bloc 5, on a Fear Factory. Après ça, Gangplank Galleon et The Credits Concerto. Et nous sommes dans les crédits. Oui, voilà. Ben, en fait, c'est plus on la conclusion. On a digéré nos bananes, puis là, ben, maintenant, c'est la fin. C'est terminé. Là, maintenant, on fera pas... Ben, en tout cas, ce sera pas une toune de fin ordinaire. Vous allez voir ce que c'est. Je vous garde la surprise pour la fin. On vous garde la surprise. C'est comme des bruits... encore. Je laisse Dom le faire. Ça va être quelque chose. Ça va être court, mais ça va être drôle. C'est un jingle de Gunky Kong. Là. C'est ça. Fait que, écoutez, ben... Dom, merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore une fois pour cet épisode. Et j'espère que vous avez aimé ça à la maison, à l'auto, peu importe, tout ce que vous écoutez, votre podcast là. Hein? C'est à la toilette. C'est à la toilette, oui, en train de se péter la tête sur un rack à serviette sur la toilette, comme moi j'ai fait cette semaine, cette petite calice. Ça a fait mal. Ouais, non, les enfants, faites attention. Hein. Si votre mère vous apprend à pisser assis, faites juste attention pour pas qu'il y ait des choses en haut de vous. Parce que si vous pétez la tête comme moi, j'ai fait... Les racks à serviettes, là. En plastique. Méfiez-vous. Oui, puis en plastique, les enfants. Ouais, en plastique, s'il vous plaît. Ça pourrait être une nouvelle arme de guerre. Tu t'en vas avec un rack à serviettes. Tu t'habilles comme un barbare. Non, mais man, c'est sûr que si je le lance de toutes mes forces sur quelqu'un, il vire en deux. Tu sais, moi, ça m'a troué le crâne, cette merde. Imagine, tu sais. Oh là là là là. Non, alors, c'est ce qui termine l'épisode. Voilà, c'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Sur Twitter, @Dominique_Jean. Voilà, et sur Facebook... Pas encore. Pas vraiment sur Facebook, c'est surtout qui est couramment en général sur Facebook. Ouais, ben c'est sur Twitter. Oubliez pas, hein, nos messages, on les lit tous. Il y a peut-être juste le Gmail que j'ai oublié, le mot de passe, puis que j'ai vraiment... Ça fait longtemps que j'ai pas vu notre Gmail, puis on le bloque plus bien, en tout cas. On a un Gmail parce que principalement, ça en prend un. Moi, je vois de temps en temps, mais on n'a pas vraiment de vraiment de message sur Gmail. Bon, OK. Alors, tu me rassures. Je pensais qu'on avait des tonnes avec du monde qui nous disait « Hey, vous ne répondez pas », mais c'est rare que le monde envoie des courriels. T'sais, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai. Puis moi, ben, @Vaidan sur Twitter et sur Facebook également. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle, Daniel Vaillancourt, sur Facebook. Et comme à l'habitude, suivez-nous sur Twitter @Geek0Rama et Facebook Geekorama. N'oubliez pas aussi de nous dire ce que vous avez pensé pour les tunes de cette semaine. Ouais, on va vous poster les liens sur la page sur les Facebook. Réseaux sociaux. Ouais, exactement. Et sur ce, gardez la tête haute, pleine de bananes. Ouais, soyez c'est bon. Faites des singeries. C'est bon pour la santé des bananes. Oui, effectivement, j'ai commencé à en manger et c'est très bon. Et sur ce... À la prochaine. À la prochaine, les bons gaming. Bonne semaine. C'est le fun.